Melmoth ou l'homme errant de Robert Mathurin. Troisième partie, chapitre 15. Quoique la vie et la liberté parussent si proches de nous, notre position était encore fort critique. La lumière du jour, qui nous avait fait découvrir l'issue du souterrain, pouvait aussi faciliter les poursuites de nos ennemis. Il n'y avait pas un moment à perdre. Mon compagnon me proposa de monter le premier, et je n'osais lui faire d'observation. J'étais trop en son pouvoir pour qu'il me fût possible de lui résister. Et durant la jeunesse, la supériorité dans la dépravation paraît toujours une supériorité de puissance. Nous éprouvons un respect honteux pour ceux qui ont passé avant nous par les derniers degrés du vice. Cet homme était un criminel, et son crime le rendait en quelque sorte sacré à mes yeux. Il est toujours facile d'acquérir par des forfaits une connaissance prématurée de la vie. Il en savait plus que moi. Aussi le regardais-je comme ma plus précieuse ressource dans cette entreprise désespérée. Je le craignais comme un démon, et cependant je l'invoquais comme un dieu. Je consentis donc à ce qu'il me proposait. J'étais fort grand, mais il était plus robuste que moi. Il s'éleva sur mes épaules. Je pliai sous le poids, mais il réussit à soulever la trappe. Le grand jour nous éclaira soudain tous deux. Il lâcha prise à l'instant, et, laissant retomber la trappe, il fut renversé lui-même avec une violence qui m'entraîna par terre avec lui. « Les ouvriers sont là » s'écria-t-il. « Nous sommes perdus s'ils nous voient. Le jardin en est rempli, et ils y resteront toute la journée. Cette maudite lampe nous a perdus. Si elle avait duré quelques moments de plus, nous serions parvenus au jardin. Nous aurions franchi le mur et nous jouirions présentement de notre liberté, au lieu qu'à présent... » Il se roulait par terre en parlant, agité par des convulsions de rage et de désespoir. Quant à moi, je ne trouvais rien de si terrible dans notre position. Nous allions, à la vérité, perdre une journée. Mais nous étions délivrés de la plus affreuse des inquiétudes, de la crainte d'errer dans l'obscurité jusqu'à ce que nous fussions morts de faim. Nous avions trouvé la trappe. Je mettais la plus grande confiance dans le zèle et dans la patience de Juan. J'étais sûr que s'il nous avait attendu cette nuit, il nous attendrait aussi la suivante, et plus d'une encore après, celle-là. Enfin, je me disais que nous n'avions pas 24 heures à attendre, et un jour se pouvait-il comparer à l'éternité que nous aurions eu à passer dans le couvent. Je fis toutes ces observations à mon compagnon, tandis que je fermais la trappe. Je découvris à ses plaintes, à ses imprécations, à l'inquiétude que lui causait son impatience et son désespoir, toute la différence qu'il y a entre un homme et un autre dans un moment d'épreuve. Il possédait le courage actif et moi le courage passif. Il était prêt à risquer son corps, sa vie, son âme quand il fallait agir. Dès qu'il était question de souffrir, je devenais le héros de la soumission. Tandis que cet homme, avec toute sa force physique et la hardiesse de son âme, si je puis m'exprimer ainsi, se roulait par terre avec l'imbécilité d'un enfant qui se livre à un accès de colère. J'étais son consolateur, son conseiller, son soutien. À la fin, il daigna écouter la raison. Il avoua que nous n'avions d'autre alternative que de rester 24 heures dans ce passage obscur. Mais telle est l'agitation de l'esprit humain que cet arrangement que peu d'heures auparavant nous aurions accueilli comme le bienfait d'un ange qui s'intéressait à notre délivrance ne nous parut bientôt plus qu'un supplice à peine supportable. Nous étions tout à fait épuisés. Les efforts de différents genres que nous avions faits pendant cette nuit pourraient à peine se concevoir. Je suis convaincu que l'idée seule qu'il s'agissait pour nous de la vie ou de la mort avait pu soutenir nos forces. Et maintenant que la lutte était passée, nous commencions à nous apercevoir de notre faiblesse. Nos souffrances mentales n'avaient pas été moins vives que celles de notre corps. Songez aussi, monsieur, à l'atmosphère peu naturelle que nous respirions depuis si longtemps. au milieu des ténèbres et des dangers. Nous éprouvions déjà ces premiers effets pestilentiels, effets qui se manifestaient tantôt par une sueur qui nous inondait, tantôt par un sentiment de froid qui nous glaçait jusqu'au sang. C'était donc dans cet état de fièvre et d'épuisement que nous devions passer une journée entière, au sein de l'obscurité, et privés d'aliments. La journée précédente s'était écoulée dans une abstinence sévère, et nous commencions à sentir les souffrances d'une faim qu'il était impossible d'apaiser. Il fallait continuer à jeûner, jusqu'au moment de notre délivrance dans un lieu triste, froid, humide, qui diminuait d'instant en instant les forces dont nous aurions eu besoin. La dernière pensée qui me vint fut celle du compagnon avec lequel j'allais passer cette terrible journée. Être que j'abhorrais du fond de l'âme, mais dont la présence était en même temps une malédiction irrévocable et une invincible nécessité. Nous restions donc là, frissonnant devant la trappe, et sans oser nous communiquer mutuellement nos sentiments. Tout à coup, la lumière du ciel disparut. Je ne savais à quoi attribuer ce phénomène, quand je sentis une averse, la plus forte peut-être qui ait jamais arrosé la terre, et qui, pénétrant par les fentes de la trappe, m'inonda complètement dans moins de 5 minutes. Je quittai l'endroit où je me tenais, mais déjà j'étais trempé jusqu'aux os. Cette pluie fut suivie de coups de tonnerre si violents que je me demandais un moment si Dieu ne me poursuivait pas dans les abîmes où je cherchais à fuir sa main vengeresse. Les blasphèmes de mon compagnon étouffaient presque les roulements du tonnerre, surtout quand il se sentit tout le corps mouillé, tandis que sur la terre, l'eau s'élevait à la hauteur de sa cheville. Il proposa pour lors de nous retirer dans un enfoncement qu'il connaissait et qui nous offrirait, disait-il, un abri, ajoutant qu'il n'y avait que quelques pas du lieu où nous étions, et que nous retrouverions facilement notre chemin. Je n'osais pas m'opposer à sa volonté, et je le suivis dans cette obscure retraite, qui n'était séparée du reste du caveau que par les débris d'une vieille porte. La lumière avait reparu, et je pouvais distinguer les objets qui m'environnaient. Les trous profonds que je vis dans le mur me parurent faits pour attacher un énorme verrou, et les gonds de fer, qui subsistaient encore, quoique couverts de rouille, indiquaient que cette porte, d'une force extraordinaire, avait sans doute servi à fermer l'entrée d'un cachot. Bien qu'il n'y eût plus de porte, je frémis en y entrant. Quand nous y fûmes, nous nous jetâmes tous deux par terre, hors d'état de faire un mouvement de plus. Nous ne nous parlions pas, car nous sentions l'un et l'autre un besoin irrésistible de sommeil. Et quant à moi, je songeais avec une parfaite indifférence que ce repos serait peut-être le dernier que je prendrais. J'étais cependant sur le point de recouvrer ma liberté, et malgré la situation déplorable où je me trouvais, j'étais à mes propres yeux plus digne d'envie que dans la désespérante sécurité de ma cellule. Il n'est hélas que trop vrai que notre âme se rétrécit à l'approche d'un événement heureux, comme si ses forces épuisées par les efforts qu'elle a faits pour l'obtenir ne suffisaient plus pour en jouir. C'est ainsi que nous sommes toujours obligés de mettre l'espérance à la place du bonheur, et de prendre le moyen pour le but, ou de les confondre pour tirer d'eux une jouissance qui, sans cela, ne serait que de la lassitude sous un autre nom. Ces réflexions ne me vinrent pas dans le moment. J'étais trop fatigué. Il y a des cas, monsieur, où le pouvoir de la pensée nous accompagne jusqu'au bord du sommeil, et d'autres où il nous abandonne durant la veille. Nous sommes prêts alors à tout sacrifier au repos. Le repos est le seul bienfait que nous demandions à Dieu. Telle était ma position quand je me couchais sur la terre. Je ne devais cependant pas profiter longtemps de la tranquillité dont j'avais si grand besoin. Mon compagnon dormait comme moi. Que dis-je, grand Dieu? Quel sommeil était le sien? Qui aurait pu fermer l'œil ou même l'oreille dans son voisinage? Il parlait aussi haut et aussi continuellement que s'il s'était livré aux occupations habituelles de la vie. J'entendis malgré moi le secret de ses songes. Je savais qu'il avait assassiné son père, mais j'ignorais que son parricide le poursuivait pendant son repos. Mon sommeil fut interrompu par des accents pour le moins aussi horribles que ceux que j'avais entendus à mon chevet dans le couvent. Ils me troublèrent avant de m'avoir réveillé. Ils augmentèrent, ils redoublèrent et m'occasionnèrent un cauchemar affreux. Je croyais que le supérieur et tout le couvent nous poursuivaient avec des torches enflammées et les faisaient briller jusque dans mes yeux. Je jetais un cri. Je dis « Épargnez ma vue, ne m'aveuglez pas, ne me réduisez pas à un état de démence, je confesserai tout. » Une voix rauque me répéta « Confessez !» Je me réveillai en sursaut. Ce n'était que la voix de mon compagnon qui dormait. Je me levai sur mes jambes et je le contemplai. Il se roulait sur sa couche de pierre comme si c'eût été du duvet. On eût dit que son corps était de fer. L'irrégularité du pavé n'avait aucun effet sur lui. J'ai beaucoup entendu dire, j'ai beaucoup lu des horreurs du lit de mort du pêcheur. Je ne crois pas qu'elle puisse être plus affreuse que celle de son sommeil. Mon compagnon commença par murmurer quelques mots à voix basse, parmi lesquels j'en distinguai plusieurs, qui ne me rappelaient que trop ce que j'aurais voulu oublier, du moins tant que nous serions ensemble. Il disait « Un vieillard, oui, eh bien, il a d'autant moins de sang. Des cheveux blancs, n'importe, mes crimes ont contribué à les faire blanchir. Il y a longtemps qu'il aurait dû les avoir arrachés. Ils sont blancs, dites-vous. Eh bien, ce soir, ils ne le seront plus, car ils seront teints de sang. Oui, oui, je sais qu'il les montrera au jour du jugement. » Qu'ils porteront témoignage contre moi. Il sera la tête d'une armée plus considérable que l'armée des martyrs, l'armée de ceux qui ont eu leurs enfants pour meurtriers. Est-ce pas la même chose d'arracher la vie à ses parents ou de leur briser le cœur? J'ai déjà brisé celui de mon père. La vie lui sera d'autant moins douloureuse à perdre. » Après ce discours épouvantable, il se mit à rire. Puis il frissonna et se débattit. Tremblant d'horreur, je voulus l'éveiller. Je souquai son bras, musculeux. Je le roulai sur le dos, sur la figure. Ce fut en vain. Il semblait que je le berçasse. Il n'endormit que plus profondément et continua à rêver. « Emparez-vous de la bourse. Je connais le tiroir de la commode où il la garde. Mais auparavant, assurez-vous qu'il est bien mort. Et quoi ? Vous n'osez pas ? Ses cheveux blancs vous font frémir? Son sommeil paisible? Oh, oh, croirait-on que des scélérats puissent être des sots? Il faut donc que ce soit moi. Je le veux bien. La lutte sera courte. Il est possible qu'il soit damné. Il est certain que je le serai. Chut! Comme les degrés crient. Ne lui diront-ils pas que c'est son fils qui monte? Il n'oserait pas. Les murs les démentiraient. Pourquoi n'avez-vous pas graissé les gonds? Nous y voici. Il dort profondément. Oui, comme il est calme. Ce calme le rend plus propre à monter au ciel. Maintenant, maintenant. Je tiens le genou sur sa poitrine. Où est le couteau? S'il me regarde, je suis perdu. Le couteau. Je suis un lâche. Le couteau. S'il ouvre les yeux, c'en est fait de moi. Le couteau, maudit poltron, qui oserait balancer quand je tiens la gorge de mon père. Là, là, là, il y a du sang jusqu'aux manches. C'est le sang du vieillard. Cherchez l'argent pendant que j'essuie la lame. Je ne puis l'essuyer car les cheveux blancs sont mêlés avec le sang. Ses cheveux touchèrent mes lèvres la dernière fois qu'il m'embrassa. J'étais un enfant alors. Alors je ne l'aurais pas tué pour tout le monde entier. Maintenant, maintenant, que suis-je? Ah, ah, ah. Que Judas secoue son sac d'argent à côté du mien. Il a trahi son sauveur et j'ai assassiné mon père. Argent pour argent et âme pour âme. J'ai vendu la mienne plus cher. Il était fou de donner son âme pour 30 pièces, mais pour lesquelles de nous deux? Les feux de l'enfer seront-ils plus ardents? N'importe, je veux l'essayer. » Aux discours horribles qu'il ne cessait de répéter, je l'appelai, je criai de toutes mes forces, afin qu'il s'éveillât. Il ouvrit enfin les yeux et me dit, avec un éclat de rire aussi effrayant que ses songes, « Eh bien, qu'avez-vous entendu? Je l'ai assassiné, il y a longtemps que vous savez cela. Vous vous êtes fié à moi pour cette maudite entreprise, qui met dans un danger imminent la vie de l'un et de l'autre, et vous ne pouvez supporter de m'entendre parler à moi-même, quoique je ne dise rien que vous ne sachiez déjà. » « Non, je ne puis le supporter, répondis-je accablé d'horreur, et je ne voudrais pas recommencer l'heure que je viens de passer, dû ma liberté en dépendre. Quelle affreuse idée que celle de rester une journée entière dans une obscurité profonde, mourant de faim et de froid, et écoutant les discours incohérents d'un « Ne me lancez pas ce regard railleur, je sais tout, votre seul aspect me fait frémir. La main de fer de la nécessité a pu seule m'unir à vous pour un moment. Nous sommes, hélas, unis, mais pour mon malheur. Il faut que je supporte cette affreuse alliance tant qu'elle durera. Mais n'en rendez pas les moments trop horribles. Ma vie et ma liberté sont dans vos mains, et dans la position où nous nous trouvons, je pourrais dire encore ma raison. Je ne puis souffrir l'effrayante éloquence devant votre sommeil. Si je suis forcé d'y prêter plus longtemps l'oreille, vous m'emmènerez de ces lieux vivants, mais privé de raison, car ma tête n'est plus assez forte pour supporter des tourments semblables. Ne dormez pas, je vous en conjure, souffrez que je veille à côté de vous pendant cette horrible journée. Cette journée qui s'écoulera dans les ténèbres et les souffrances, au lieu de la lumière et du bonheur, dont nous espérions jouir. Je consens à souffrir la faim, à grelotter de froid, à coucher sur ces pierres dures et humides. Mais je ne puis souffrir vos songes. Si vous dormez, je serai forcé de vous réveiller, ne fût-ce que pour défendre ma raison. Je sens que mes forces physiques diminuent rapidement, et j'en suis d'autant plus jaloux de conserver celle de mon entendement. Ne me regardez pas de cet air menaçant. Vous êtes plus fort que moi, mais le désespoir nous rend égaux. » Pendant que je prononçais ces paroles, ma voix avait l'éclat du tonnerre, et des éclairs sortaient de mes yeux. Je sentais toute la force que donne la colère, et je m'aperçus que mon compagnon n'y était pas insensible. Je continuais sur un ton qui me fit tressaillir moi-même. « Si vous osez dormir, je vous réveillerai. Quand vous ne feriez que sommeiller, je ne vous laisserai pas un moment de repos. Vous veillerez avec moi. Pendant cette journée, nous souffrirons ensemble. Je l'ai résolu. Je vous l'ai déjà dit, je puis tout souffrir, excepté les rêves inquiets d'un homme qui voit dans son sommeil l'image d'un père assassiné. Vous pouvez veiller, délirer, blasphémer, mais vous ne dormirez pas. » L'homme me regarda pendant quelques instants avec un étonnement qui marquait combien peu il m'avait cru capable d'une telle énergie de passion et de volonté. Quand il fut bien convaincu qu'il ne se trompait pas, l'expression de sa physionomie changea tout à coup. Pour la première fois, il parut sentir en commun avec moi. Tout ce qui avait un air de férocité était conforme à sa nature et lui plaisait. Il m'assura, avec des jurements qui me glacèrent le sang, que mon courage lui faisait plaisir. « Je veux me tenir éveillé, » ajouta-t-il, avec un bâillement qui laissait voir une gueule semblable à celle d'un tigre qui se prépare à son festin sanguinaire. « Mais comment ferons-nous pour ne pas dormir? Nous n'avons rien à manger et à boire. » Il lâcha pour lors une kyrielle de jurements affreux, après quoi il se mit à chanter. Mais quelle chanson! Leur obscénité était si dégoûtante qu'élevée, d'abord dans l'intérieur de ma famille, et puis dans la sévérité d'un couvent, je ne pus m'empêcher de penser qu'un démon incarné hurlait à mes côtés. Je le suppliai de cesser, mais cet homme passait si rapidement d'une atrocité extrême à une extrême légèreté, du délire du crime à des chants qui auraient fait horreur dans un lieu de débauche, qu'il me devint tout à fait inexplicable. Je n'avais jamais vu ni même cru qu'il fût possible de réunir ainsi les deux extrêmes. Je devais avoir une bien faible connaissance des hommes pour ne pas savoir que le crime et l'insensibilité se réunissent souvent dans le même cœur, et qu'il n'y a pas sur la terre d'alliance plus indissoluble que celle qui existe entre la main qui ose tout et le cœur qui ne sent rien. Ce fut au milieu d'une de ces chansons les plus licencieuses que mon compagnon s'arrêta tout à coup. Il regarda pendant quelques instants autour de lui, et à la lueur faible et triste qui nous éclairait, je crus remarquer qu'une expression extraordinaire obscurcissait sa physionomie. Je n'osais y faire attention. « Savez-vous où nous sommes ? » me dit-il tout bas. « Je ne le sais que trop. Nous sommes dans les caveaux d'un couvent, loin de tout secours humain, sans aliments, sans lumière et presque sans espoir. » « Ah oui, ces derniers habitants en ont été la preuve. »« Ces derniers habitants, quels furent-ils ? » ?»« Je puis vous le dire si vous êtes en état de l'entendre. »« Je ne suis point en état de l'entendre, m'écriai-je en me bouchant les oreilles. » Je ne veux point l'écouter, il me suffit de connaître le narrateur pour savoir que l'histoire en doit être horrible. Cette nuit fut vraiment horrible, reprit-il sans m'écouter, et faisant volontairement allusion à quelques circonstances de sa narration. Il n'en dit pas davantage, et sa voix se confondit en murmures incohérents. Je me plaçai aussi loin de lui que le permettaient les limites du caveau, et cachant ma tête dans les genoux, je m'efforçais de ne point penser que la situation de l'âme est affreuse quand elle nous réduit à désirer que nous n'en ayons plus, à préférer l'état des bêtes qui périssent tout entières afin de ne plus jouir de ce privilège de l'humanité qui ajoute à notre malheur. Je ne pouvais dormir. Quoique le sommeil paraisse une nécessité de la nature, il existe toujours que l'âme y concourt par sa volonté. D'ailleurs, si je l'avais voulu, la faim dévorante qui s'était changée en nausée insupportable me l'eût rendu tout à fait impossible. Vous ne croirez peut-être pas, monsieur, qu'au milieu de cette complication de maux physiques et moraux, ma plus grande souffrance provenait de l'oisiveté dans laquelle j'étais forcé de rester. Aussi, après avoir lutté contre elle pendant près d'une heure, d'après mon calcul, je me levai, et dans un moment de désespoir, je suppliai mon compagnon de me raconter l'histoire dont il avait parlé concernant notre terrible séjour. Avec une bonté féroce, il m'accorda sur-le-champ ma requête, et quoique je m'aperçusse que son corps robuste avait souffert plus que le mien des peines de la nuit et des privations de la journée, il s'y prépara avec une sorte de triste vivacité et se trouvait dans son élément. Il allait effrayer une âme faible par un récit d'horreur et étonner un esprit ignorant par une multitude de crimes. « Je me rappelle, dit-il, une circonstance extraordinaire dans laquelle ce caveau a joué un grand rôle. Je n'ai pas pu m'expliquer dans le premier moment pourquoi cette porte et cette voûte m'étaient si bien connues. Tant d'idées étranges m'occupent chaque jour que des événements qui feraient sur d'autres une impression ineffaçable passent devant mon esprit comme des ombres, tandis que les pensées seules ont pour moi de la solidité. Je ne connais d'autres événements que des émotions. Vous savez ce qui m'a amené dans ce maudit couvent. Quoi qu'il en soit, j'y étais, et je me voyais obligé d'en suivre la discipline. Une partie de cette discipline consiste à faire subir à des criminels extraordinaires des pénitences si extraordinaires que leurs crimes. Il faut alors non seulement se soumettre à toutes les rigueurs naturelles de la vie religieuse, mais encore remplir le rôle d'exécuteur chaque fois qu'un châtiment inusité doit être infligé. On me fit l'honneur de me croire plus particulièrement fait pour cette espèce de récréation, et peut-être ne me flattait-on pas. Peu de jours après que je fus devenu membre de cette communauté, l'occasion se présenta de mettre mes talents à l'épreuve. On me dit de m'attacher à un jeune religieux, d'une famille distinguée, qui venait de prononcer ses vœux et qui remplissait ses devoirs avec cette froide exactitude, preuve incontestable que son cœur ne s'y livrait pas. Je comprenais sans peine qu'en m'ordonnant de m'attacher à lui, on me prescrivait de me montrer son plus mortel ennemi. En attendant, le seul crime de ce jeune moine était d'être soupçonné d'une passion terrestre. Il était, comme je l'ai déjà dit, le rejeton d'une famille distinguée, qui, pour l'empêcher de contracter ce qu'elle appelait un mariage avilissant, c'est-à-dire d'épouser une femme d'un rang inférieur au sien, qu'il aimait et qui aurait fait son bonheur, le força à prendre l'habit de moine. Parfois, il paraissait accablé de douleur, mais parfois aussi ses yeux brillaient d'un rayon d'espoir qui fit naître les soupçons de la communauté. L'espérance est en effet une plante étrangère, au climat d'un couvent. Au bout de quelque temps, un jeune novice entra dans la maison. À compter de ce moment, le changement le plus frappant se fit voir par le nouveau religieux. Mes yeux firent sur le champ sentinelle. Les yeux découvrent facilement le malheur quand ils ont l'espérance de l'aggraver. L'attachement du jeune moine pour le novice augmentait de jour en jour. Ils étaient toujours ensemble dans le jardin. Ils respiraient le parfum des fleurs. Ils cultivaient le même carré d'œillets. Ils entrelaçaient leurs bras. En se promenant, leurs voix s'unissaient dans le cœur. L'amitié est souvent portée à l'excès dans les couvents, mais celle-ci ressemblait trop à de l'amour, ainsi qu'en les psaumes de l'office renfermaient quelques expressions de tendresse, comme il arrive assez souvent. Ils se dirigeaient mutuellement leurs paroles, avec un accent qui était impossible de méconnaître. Quand les corrections étaient infligées, chacun d'eux voulait supporter la part de l'autre. Quand le couvent jouissait d'un jour de récréation, les cadeaux qu'il envoyait à la cellule de l'un se retrouvaient infailliblement dans celle de l'autre. Ces indices me suffirent. Je découvris ce secret d'un bonheur mystérieux qui est le plus grand des malheurs pour ceux qui ne peuvent jamais le partager. Ma vigilance redoubla et fut récompensée par une nouvelle découverte, dont je fus d'autant plus enchanté qu'elle devait me donner une haute importance aux yeux de tout le couvent. Vous ne pouvez vous imaginer celle que l'on y attache à des secrets de ce genre. Un soir que le jeune religieux et son cher novice étaient dans le jardin, le premier cueillit une pêche et l'offrit à son ami. Celui-ci l'accepta, avec un mouvement qui me parut un peu gauche. Il ressemblait beaucoup à une révérence de femme. Le jeune moine, en partageant le fruit avec un couteau, effleura légèrement le doigt du novice. Il témoigna aussitôt la plus vive inquiétude et déchira son habit pour envelopper la blessure. J'avais vu toute cette scène, et de ce moment je n'eus plus aucun doute. Je me rendis cette nuit même chez le supérieur. On conçoit facilement le résultat de notre entrevue. On les épia, mais avec beaucoup de prudence, dans les commencements. Ils étaient apparemment sur leur garde, car malgré ma vigilance, il me fut pendant quelque temps impossible de rien découvrir de nouveau. Il n'y a pas de situation plus contrariante que d'être intérieurement convaincu de la vérité d'une chose, sans pouvoir se rendre maître d'un seul fait qui puisse faire partager sa conviction à autrui. Une nuit que par l'ordre du supérieur j'avais pris mon poste dans le corridor, où je passais souvent des heures entières, remplissant le noble rôle d'espion, je crus entendre des pas. Il faisait noir, un pied léger passa à côté de moi, j'entendis une respiration entrecoupée palpitante. Quelques instants après, une porte s'ouvrit, c'était celle du jeune religieux. J'en étais sûr, car l'habitude de veiller à cette même place m'avait rendu l'ouïe si fine que je reconnaissais les habitants de toutes les cellules, et par les gémissements de l'un, les prières de l'autre, les rêves agités du troisième. Cette porte, surtout, d'où ne partait jamais aucun son, ne pouvait m'être inconnue. Je m'étais muni d'une petite chaîne, au moyen de laquelle j'attachais le bouton de la porte avec celui d'une porte voisine, en sorte qu'il fût impossible d'ouvrir aucun des deux de l'intérieur. Je me hâtais de courir chez le supérieur avec un orgueil que nul ne peut concevoir, s'il n'a comme moi découvert un secret coupable dans un couvent. Je ne sais si le supérieur n'était pas lui-même agité de ce délicieux sentiment, car il était éveillé et debout, entouré de quatre religieux, que vous vous rappellerez peut-être. Je frémis à ce souvenir. Je leur communiquai mes nouvelles avec une ardeur et une volubilité bien contraires au respect que je leur devais, et qui en outre rendaient mon discours presque inintelligible. Ils eurent en moi la bonté de ne pas faire attention à cette inconvenance qui, dans tout autre cas, aurait été sévèrement puni, et ils daignèrent même suppléer à quelques lacunes dans ma narration, avec une condescendance et une facilité réellement merveilleuses. J'étais en santé de m'être rendu utile au supérieur, et je me glorifiais dans ma nouvelle dignité d'espion.